Bonjour, ravi de vous retrouver pour ce nouveau podcast OK Ciné. Bonjour Aurore. Bonjour Kevin. Comment vas-tu ? Bien et toi ? Ah bah bien, on va reparler de cinéma, donc moi ça va toujours bien dans ce cas-là. Voilà, c'est la rentrée, l'été est passé, les blockbusters américains aussi. Mais bon, sur cette rentrée, il y a quand même de belles choses et on va en effet parler de films américains puisque notre coup de cœur aujourd'hui, donc c'est Beetlejuice et non Beetlejuice 2. C'est vrai qu'ils l'ont titré Beetlejuice. Oui. Quand genre, j'ai trouvé ça très original, je me dis tiens pourquoi pas, oui, ça change, c'est un clin d'œil au fait qu'il faut pas le dire bien plus sûr. Que deux voilà, fois voilà c'est ça exactement. Donc pour le synopsis, donc après une terrible tragédie, la famille Dietz revient à Winter River, toujours hantée par le souvenir de sa Beetlejuice. Lydia voit sa vie bouleversée lorsque sa fille Astrid, adolescente rebelle, ouvre accidentellement un portail vers l'au-delà, alors que le chaos plane sur les deux mondes. Ce n'est qu'une question de temps avant que quelqu'un ne prononce le nom de Beetlejuice trois fois et que ce démon farceur ne revienne semer la pagaille. Donc, on retrouve Tim Burton 34 ans après le premier opus, quand même. Ouais. Parce que ça, voilà, ça, il est sorti en 88. Oui, c'est ça, ouais. Donc, c'est vrai que ça commence à faire. On s'y attendait pas, je pense, à cette suite. Enfin, non. C'était presque inespéré. Oui. Parce qu'en plus, je sais pas si t'avais vu, mais ils avaient dit que justement le projet était enterré, alors que finalement il est ressorti. Et c'est quand même, faut le souligner, pour le réalisateur, la première fois qu'il fait une suite à un de ses films. Oui, exact, exact. Alors, est-ce que la qualité est au rendez-vous, Aurore ? Alors, franchement, donc, alors moi, je ne l'avais pas vu le premier. Donc, du coup, j'ai regardé le 1 et à la suite le 2. Donc, ça m'a permis de bien voir tous les rêves, de l'avoir bien en tête. Donc, ça, c'était plutôt bien. Et j'ai trouvé... Enfin, alors, Tim Burton fait des films quand même assez courts. Et là, le premier fait 1h30 ouais, à peu près, le deuxième fait 1h45 oui, environ. Oui, bon, dans ces eaux-là, ouais. Et on a été surpris de voir, enfin, j'ai été surprise de voir que il y a beaucoup d'intrigues, mais on passe très vite sur chaque, et le rythme du coup est vachement bien fait, je trouve. Le film passe très bien. Tous les, comment dire, le rôle de Monica Bellucci, par exemple. On a un peu l'impression qu'elle est un peu vitrine, qu'elle s'ajoute au suspense, mais au final, elle vient, elle marche et elle redisparaît juste après, si je peux dire. mais non, j'ai beaucoup adoré le rythme du film qui franchement passe très bien. Enfin, les 1h45, on les sent pas passer. Bon, après, on a l'habitude de plus en plus avec les films de 2h30, 3h. Donc là, revenir à un format plus court, pas plus agréable, hein, parce que ça dépend clairement du rythme, hein. mais moi j'ai particulièrement apprécié l'univers de Tim Burton. C'est un peu du kit ou double. Il y en a certains où ils sont un peu plus spéciaux que d'autres. Moi, pour l'instant, j'aime bien tout l'univers de Mercredi, l'étrange Noël de Monsieur Jack aussi. Donc voilà, moi j'ai beaucoup apprécié, puis j'aime bien le fait qu'au lieu d'utiliser les effets spéciaux, il préfère utiliser tout ce qui est marionnettes, etc. Ce qu'on retrouve énormément dans le premier, et que là, qu'on retrouve aussi dans le deuxième. Et ça, j'ai particulièrement apprécié aussi tous les clins d'œil par rapport au premier. C'est pas forcément, il n'y a pas vraiment besoin d'avoir vu le premier, mais ça aide quand même à avoir l'ensemble des références, les petits clins d'œil sur les différentes maquettes qu'on voit, les références par rapport au premier film, les vêtements, etc., les costumes. Donc ça, personnellement, j'ai particulièrement apprécié. Ouais, je te rejoins. Alors moi, pour le coup, j'ai pas pris le temps de revoir le premier. J'aurais bien aimé, en plus, ils l'ont rediffusé au cinéma... avant le second, donc moi ça faisait un peu longtemps que je l'avais vu, mais c'est vrai que comme tu dis, bon, il n'y a pas nécessité d'avoir vu le premier, après il y a quand même des clins d'œil que j'ai retrouvé un petit peu, j'avais peut-être pas toutes les rêves parce que ça faisait longtemps, et je suis d'accord avec toi, le film passe très bien, le rythme est assez soutenu, alors même si j'émettrais un petit bémol, je trouve que il met un peu de temps à démarrer le film, enfin il pose les bases on va dire. C'est vrai, c'est vrai. Il met un peu de temps à démarrer, par contre une fois que c'est lancé, franchement ça ne s'arrête plus, oui. Et on sait même presque plus où donner de la tête. Alors là, c'est pareil, c'est à double tranchant, parce que du coup, le titre, c'est quand même Beetlejuice, Beetlejuice, et j'ai trouvé que peut-être par rapport au premier, Beetlejuice, du coup, était moins central dans l'histoire du second opus. Oui. Et du coup, il y a plein de sous-intrigues. Alors, c'est bien, parce que ça rythme le film, mais du coup, je trouve qu'on perd un petit peu le personnage, entre guillemets, principal, et parfois, certaines sous-intrigues sont résolues, finalement, très rapidement, parce que tu parlais de Monica Bellucci. Bah, le copain aussi, hein, le garçon. Voilà. En fait, c'est le film commence à ce moment-là. C'est enfin, ça, on, exactement. Effectivement, on va poser toutes les bases. Oui, Monica Bellucci qui apparaît et compagnie. Le copain qui introduit, voilà. Et en fait, à partir du moment où on découvre, je ne vais pas spoiler, mais on découvre l'intrigue par rapport au copain. Oui. Bah, en fait, tout s'enchaîne extrêmement vite. On a pratiquement, je pense, une demi-heure, 45 minutes de mise en place. C'est ça. Et effectivement, on a une demi-heure, une heure de... Enfin, moins les génériques, mais on a une heure de bah, on laisse le copain sous une trappe, la Monica Bellucci qui arrive énervée et elle disparaît avec un verre. Enfin, c'est effectivement, au bout d'un moment, je me dis, mais il y a beaucoup trop d'intrigues pour la durée du film. Et je me suis dit, ça va être un peu balayé très vite par rapport à effectivement le bah, Beetlejuice, c'est quand même énormément présent, mais au final, on revient sur la même intrigue que le premier. Ouais. Après, pour le coup, bon, je clairement, et pour avoir aussi échangé avec d'autres personnes qui l'ont vu ou lit d'autres critiques, tous les gens sont d'accord pour dire que Tim Burton, voilà, revient vraiment, on retrouve son univers comme on l'aime. Ah, visuellement, c'est incroyable. Enfin, franchement, on en prend plein la vue. Ouais. La bande son, pareil, j'ai adoré. Ah bah, tous les clins d'œil par rapport à musique, compagnie. Enfin, Et la scène notamment avec Monica Bellucci, quand elle apparaît, incroyable cette scène-là. Ouais. Justement, c'est frustrant parce que tu te dis, waouh, elle a fait une entrée fracassante et du coup, bon, tu t'attends à autre chose. Bon, est-ce que du fait qu'elle soit avec Tim Burton dans la vie perso, est-ce que ça a joué ? Je pense, à mon avis, il lui a fait plaisir, voilà. Mais en vrai, on boude pas son plaisir, je suis d'accord avec toi, même si tout n'est pas parfait, même si au niveau du scénario, bon, ça aurait pu peut-être être mieux. Je pense qu'il s'est fait plaisir, il met tout ce qu'il sait bien faire. Et 34 ans après, franchement, je suis d'accord avec toi, et ben, on a vraiment cette impression de suite directe et qu'il s'est pas passé autant de temps entre les deux. Non, c'est vrai. Ça, et puis je trouve que c'est adéquat. Enfin, on a tellement de films avec des remakes où en fait ils vieillissent juste les acteurs et que là en fait on retrouve les acteurs, mais ils ont réellement vieilli. Enfin voilà, ils ont vraiment pris de l'âge et c'est pas du maquillage ni quoi que ce soit. Et ça, je trouve ça bien que ça s'enchaîne effectivement bien avec 34 ans d'écart. Mais on garde les personnages, on garde les mêmes acteurs. Et ça fait pas faux, en fait. Non. C'est ça qui, c'est un remake qui arrive au bon endroit, en fait. Ah oui, exactement. Il prend en compte le temps qui a passé, finalement. Les acteurs sont toujours très bons. Enfin, franchement, il n'y en a pas un qui est mauvais. Enfin, globalement, ils jouent tous très bien leur rôle. Même dans les nouveaux personnages, c'est pas de l'ajout inutile, globalement. En effet, je pense que c'est un film, personnellement, que je reverrai avec grand plaisir. Parce qu'on passe un super moment. C'est pour toute la famille, c'est ça, parce que c'est horrifique, mais on n'est pas non plus dans de l'horreur où ça peut effrayer, je pense, le jeune public. Bon, après, voilà, Ouais, 10 ans, 10, voilà. Ouais, 10, 12 ans. Ouais, c'est ça, 10, 12 ans. Mais bon, globalement, c'est quand même très accessible. Et j'ose espérer que peut-être cet opus-là donnera envie aux plus jeunes générations, du coup, de voir le premier, parce que c'est peut-être le but aussi, parce que le premier, forcément, il y en a qui n'étaient pas nés. Non, je te confirme. Mais en tout cas, non, ça fait plaisir de revoir Tim Burton. Et pour le coup, il fait une suite, et une vraie suite, pas une suite pour faire plaisir au studio. D'ailleurs, j'ai même vu qu'a priori, il avait été contraint de réduire son budget. Enfin, la Warner, pourtant, enfin, Tim Burton, il a quand même été le roi du box-office sur pas mal de films. Oui. Et a priori, le studio Warner, qui distribue le film et produit, a souhaité quand même pas trop prendre de risques. À la base, c'était prévu que le film quand même sorte en streaming. Ah oui, ils voulaient vraiment pas prendre de risques. Hein. Je pense qu'ils se sont dit, c'est triste. C'est triste. Ouais. Et du coup, il a été obligé de réduire le budget pour qu'il puisse sortir au cinéma. Bon, du coup, il y a un budget de 100 millions. C'est déjà pas mal. Quand on regarde les productions aujourd'hui américaines, on est plus sur le double. Hein. Triple, effectivement. Et là, je vois que il est sorti il y a quelques semaines, il cartonne. Il a déjà fait trois fois le budget. Enfin, donc bon. Voilà, ça montre que Tim Burton est toujours là et toujours apprécié. Après, effectivement, hein, c'est ce que tu dis, c'est l'enfance, c'est notre enfance, hein, pratiquement. Oui. Même les générations précédentes, c'est notre enfance. Je pense qu'on a tous grandi avec un film de Tim Burton. Et donc, du coup, forcément, le public est présent. Hein. Beetlejuice est quand même extrêmement connu. Oui. Et donc, là qu'on retrouve les acteurs, tout ça... ayant vu le premier récemment, quand j'ai vu le personnage de Beetlejuice, j'avais un petit peu peur pour la suite, avec la société, etc., qui a quand même très bien évolué sur cette mentalité-là. Voilà, parce que c'est quand même un obsédé. Il est archaïque, quoi. Et j'avais un petit peu peur, et au final, non, ça passe bien. Alors, c'est beaucoup moins appuyé que le premier. Oui. C'est le premier... Ouais, il y a des scènes, c'est surprenant à regarder. Ouais. Mais au final, non, ça passe bien. Ils l'ont pas bridé que ça. Ça, je trouve ça. J'ai trouvé ça quand même bien. Oui, ça s'adapte à son époque franchement, ça fait bien le taf. Donc, on ne peut que vous encourager et conseiller à aller voir Beetlejuice. Et qui sait, peut-être que Tim Burton nous pondra une suite d'un de ses films prochainement. Peut-être on ne sait pas. Déjà là, il y a Mercredi qui est la saison 2. C'est vrai. Il fait 4 épisodes normalement dans la saison 2. Ouais. Donc, là, on sent qu'il y a une envie de faire des suites. Enfin, tant que c'est de qualité, écoute, on prend. Ouais, hein, c'est on va ça. Pas cracher dessus. Donc, on va retrouver Jenna Ortega. Voilà, prochainement, dans Mercredi. C'est ça. Donc après notre coup de cœur cinématographique, comme à chaque fois, comme à son habitude, Aurore a l'œil pour dénicher des faits étonnants, surprenants, que ce soit dans des films ou des séries. Alors de quoi vas-tu nous parler ? Eh bien, je vais vous parler d'Harry Potter. On va rester un peu dans l'univers des loups-garous, etc. et du fantastique surtout. Et je vais vous parler du Harry Potter 3, Le prisonnier d'Azkaban. Pour info, donc Harry Potter, la rentrée se passe toujours le 1er septembre. Normalement, vous êtes d'accord avec ça. Si vous vous souvenez bien, au début du Harry Potter 3, il y a Hermione, Ron et Harry qui sont dans le train avec le professeur Lupin. Et si on regarde les calendriers de l'année où aurait dû se passer le prisonnier d'Azkaban dans les livres, c'est le 1er septembre 1993. Et le 1er septembre 1993, la nuit du 1er septembre 1993, c'est la pleine lune. Et donc du coup, le professeur Lupin en fait est en train de dormir dans le train parce qu'il s'est transformé en loup-garou toute la nuit. Voilà. Donc déjà ça annonce c'est pas par hasard. Ouais, la couleur dès le départ. C'est ça. Très bien. En plus, hop, 1er septembre 93, c'est l'année de ma naissance, tu vois. Ah. Donc ça, je vais le retenir pour le coup. Ok, très bien. Bah, je pense qu'il y a plein de choses dans les Harry Potter, à mon avis, à déceler. Oui. Très bien. Bah, écoute, merci Aurore pour ce fun fact. Alors, après donc ce fun fact, on poursuit avec les prochaines sorties, les films qui nous hype, hein, les films à venir. Alors toi, Aurore, quel est le film que tu attends impatiemment ? Alors moi, c'est un film américain qui sort le 2 octobre 2024. Enfin, le 2 octobre prochain, en fait. Bah oui, ça arrive très vite. Voilà, hein. Très vite. Oui. C'est Joker Folie à deux, donc avec Joaquin Phoenix et Lady Gaga. Voilà, donc la suite du premier Joker qu'ils avaient fait en 2019, je crois. C'est ça. Donc de Todd Phillips. On retrouve Arthur Fleck, qui a du coup commis des crimes sous le trait du Joker. Hein, il tue notamment le présentateur joué par Robert De Niro. Oui. Et donc en fait, on va introduire Harley Quinn jouée par Lady Gaga dans le film, et ça a pour but d'être alors pas une comédie, mais du coup un drame musical, un drame musical. J'espère que ça va suivre un peu la lignée du premier. Après, le premier était vraiment bien, enfin j'avais beaucoup apprécié le côté très psychologique du film. Je trouve que DC Comics est très fort dans leurs films psychologiques, on pense notamment au Dark Knight, etc. Et là, c'est un film, le côté musical, j'ai un petit peu peur. Après, avec la folie, etc., ça peut aller. Dans le trailer, on a l'impression qu'ils font un énorme hommage ou ils se moquent de La La Land, on verra. On verra, ça va être... on va avoir. Après, le jeu de lumière a l'air très, très beau, très propre. Donc, c'est à voir. Oui, je pense. Et puis bon, Todd Phillips, il a déjà réalisé le premier, donc on reste sur le même réalisateur. Il y a le voilà, Joaquin Phoenix qui reprend son rôle. Alors, j'ai vu qu'il y a eu pas mal de soucis d'ailleurs avec lui ces derniers temps. Là, au dernier moment, il a refusé de jouer dans un film. Enfin, j'ai vu ça passer. Bon bah là, je pense que pour le Joker, il a repris vraiment son rôle. Puis de toute façon, je voyais pas qui à part lui. Qui aurait pu jouer une suite, tu peux pas faire une suite sans lui, quoi. Clairement, c'est pas possible. D'accord. Et je pense que l'ajout de Lady Gaga, moi, j'attends de voir. Parce que Lady Gaga, elle est assez surprenante quand même dans les rôles qu'elle peut faire. Alors, nous, on la découvre petit à petit dans le cinéma. On l'a découvert notamment avec Star Is Born, je crois que c'est le premier avait, film. Qui avait cartonné, effectivement. Film dramatique aussi. Et on l'a vu dans... le film sur la mode américaine. Gucci. Gucci. Ouais. J'avais Armani, mais non. Et aussi, je crois qu'elle a joué dans la série American Horror Story aussi. Oui, effectivement. Également. Donc voilà, on va voir. Ouais, voilà, à voir, parce que après le succès du premier, comme tu dis. C'est pas évident. C'est pas évident de passer après. Ouais, franchement, après, c'est peut-être aussi bien que ça prenne le contre-pied du premier, et puis ça se trouve, ça va partir dans toute autre chose. C'est ça. Et ça se trouve, ça sera peut-être bien, on sait pas. On espère, ouais. À voir. En tout cas, donc, ça sort le 2 octobre, hein, c'est ça? C'est ça. Bien. Alors, moi, de mon côté, donc, c'est une semaine avant. Il s'agit du film Mégalopolis de Francis Ford Coppola. Alors, pour la petite histoire, donc, Mégalopolis est une épopée romaine dans une Amérique moderne imaginaire en pleine décadence. La ville de New Rome doit absolument changer, ce qui crée un conflit majeur entre César Catilina, artiste de génie ayant le pouvoir d'arrêter le temps, et le maire archi-conservateur Franklin Cicero. Le premier rêve d'un avenir utopique idéal, alors que le second reste très attaché à un statu quo régressif, protecteur de la cupidité, des privilèges et des milices privées. La fille du maire est jet-setteuse, Julia Cicero, amoureuse de César Catilina, est tiraillée entre les deux hommes et devra découvrir ce qui lui semble le meilleur pour l'avenir de l'humanité. Rien que ça. Alors, bon... ce film-là, on sait pas trop à quoi s'attendre parce que il était en compétition au Festival de Cannes, il est reparti bredouille. Il a été très décrié, les critiques c'était vraiment du 50-50. Ouais, c'était vraiment 50-50. De ce que j'ai cru lire et comprendre, ils ont salué le geste artistique parce que Ford Coppola a quand même mis ses propres économies. Oui. Dans le film, a eu du mal à le faire financer, alors que c'est quand même Coppola. C'est ça. Mais finalement, quand on regarde sa filmographie, que ce soit Apocalypse Now ou Le Parrain, c'était pareil dans les débuts. Oui, Apocalypse Now s'est énormément fait décrier. Bien sûr, final, et c'est devenu un film culte. C'est ça, c'est culte. Ouais. Donc bon, à voir ce que va donner Mégalopolis, mais en tout cas, ça suscite la curiosité de par le pitch, la bande-annonce aussi, vraiment, qui a l'air d'en mettre plein la vue, en tout cas. Enfin, visuellement, ça a l'air très beau. Oui. Et après, je pense qu'il va falloir se laisser porter. Enfin, clairement, je pense qu'en effet, ça va être une expérience cinématographique. Je pense qu'il a fait son film, il a fait sa vision des choses. Après, je pense qu'on aime ou on n'aime pas. Ouais, ça fait des années qu'il en rêve, apparemment. Depuis de nombreuses années. C'est ça. Donc voilà, il a fait son film, il s'est débrouillé un peu par lui-même. Il a réussi quand même à rassembler un budget de, je crois que 74 millions de dollars, un truc comme ça. Ce qui est pas énorme. C'est pas énorme, hein. Donc c'est pour ça que d'ailleurs, au niveau des effets spéciaux, je pense qu'il faudra regarder ça de près, parce que il y aura peut-être des choses kitsch ou datées. Mais bon, en tout cas, il y a quand même un sacré casting dans le film. Il y a notamment Adam Driver en tête d'affiche, hein. On le voit de partout, lui, j'ai l'impression. Et il joue dans tous les rôles. Mais il fait tout. Oui. Mais vraiment, j'ai l'impression qu'il y a chaque année, il sort dans des films divers et variés, de genres différents. Mais bon, c'est bien. Enfin, de plus en plus, les acteurs connus, on leur demande effectivement d'être de plus en plus polyvalents. Hein. Oui. On voit Emma Stone, etc. Enfin, des grands acteurs. Ou même, comme ça. Zendaya, c'est pareil. Zendaya, ou autre. C'est vrai que ces acteurs-là jouent dans plein de films différents. Ils n'ont pas le choix, mais oui. Non. C'est le talent d'acteur et d'actrice. C'est sûr, exactement. Donc, pourquoi pas, ça sort le 25 septembre. Donc, à voir ce que ça va donner. Je pense que j'irai le voir par curiosité. Je ne sais pas trop à quoi m'attendre. Mais bon, voilà. Peut-être que ça sera le prochain film dont on parlera, on ne sait pas. Peut-être. Mais bon, il y a le Joker aussi. Enfin, il y a quand même des grosses sorties. Hein. Oui. Franchement, là, ça soit entre septembre-octobre, là, on sent que la rentrée est bien amorcée et qu'il y a vraiment des gros films. Donc, bon, affaire à suivre. Mais en tout cas, merci Aurore pour cet échange cinématographique. C'est toujours un plaisir. Merci à toi. Ouais, plaisir partagé. Et puis, on se retrouve prochainement, toujours pour parler, bien évidemment, de cinéma.